La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. La lumière éteinte, je me réveille. Je crois que j'ai fait un rêve de dingue. Ma grand-mère me donnait sa bénédiction juste un an avant de s'éteindre. De la vie, j'avais des craintes, mais la violence est jamais simple. J'entendais des coups à travers la porte. Maman pouvait porter plainte. J'ai rêvé d'avoir ces gens qui me disaient une femme ne fait pas de rap. J'ai rêvé d'avoir cette voix qui chuchotait c'est impossible que tu te rates. Mes relations se font rares vu que j'ai préservé mon aura. J'ai rêvé d'avoir vu le visage de mes proches pendant que passait l'orage. J'ai rêvé que j'étais plus broke. J'ai rêvé qu'on me fermait des portes. J'ai rêvé de faire du chiffre. J'ai rêvé de perdre des proches. J'ai rêvé qu'avec le buzz j'avais quand même la peur des autres. J'ai rêvé que des rumeurs faisaient que tourner sur les réseaux. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. J'ai rêvé d'avoir que le rap pour me sauver. J'ai rêvé que le monde était mauvais. J'ai rêvé que la fille m'avait pas consolé. J'ai rêvé que la fille m'avait pas consolé. Le rendu sera jamais le même sur les choses qu'on essaie de recoller. C'est jamais les personnes qu'on pense qui finissent toujours par t'épauler. J'ai rêvé d'être sur Netflix. Ce rêve a des côtés sombres. Quand la lumière de la vie me décide de briller, ça m'a développé une part d'ombre. De mes amis j'ai fait les comptes. Ça devient compliqué quand tu montes sur le bif et les relations. Donc j'ai dû changer mon plan d'action. Les mots des gens m'affaiblissent. J'avais ce manque d'appétit. J'ai compris très vite en sortant de l'émission que fallait que je trouve une équipe. J'ai rêvé que je faisais des streams. J'ai rêvé que je vendais des disques. J'ai rêvé d'avoir été inoffensif quand la vie m'a montré ses griffes. La douleur, vous devez juste continuer à vous battre. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas l'éviter. Et la vie en fournit toujours plus. Ils veulent juger les choix d'une femme. J'ai rêvé de pas avoir donné la vie. J'ai rêvé que quand j'ai enlevé ce bonheur, je me suis senti anéanti. J'ai rêvé que l'absence d'un père m'a rendu dépendante affective. Est-ce qu'au final je me protège quand je ressens mon côté agressif? Parfois les hommes nous font mal, au point de nous briser éternellement. C'est trop rare quand on s'attache, c'est dur d'aimer sincèrement. J'ai mis de côté mes chances, j'ai fait travailler mes sens. J'ai rêvé de lui dans la nuit avec une meuf, je crois qu'il m'a trompé salement. N'as-tu jamais fait ces rêves, Néo, qui ont l'air plus vrais que la réalité? Si tu étais incapable de sortir d'un de ces rêves, comment ferais-tu la différence entre le monde du rêve et le monde réel ?